Ses poignets menottés, son corps est enfermé. Son esprit tout troublé, ses flics veulent pas lâcher. 2 heures qu'ils l'ont coffré, il sera pas libéré. Tant qu'il aura pas craché, balancé tous ses méfaits. De façon il a beau avouer ou dire qu'il n'a rien vu, il se fera bafouer, finir en garde à vue. Voilà le seul, le jugement absolu. Il y aura indéfiniment bien corrompu. Ce putain d'accident d'imprévu. Ce mec est arrivé là et a tout vu. Inconsciemment il lui est tombé dessus. Lui tirer dessus il ne l'avait pas prévu. Si tu es au mauvais moment, au mauvais endroit, il suffit d'un instant, ne te demande pas pourquoi. Tu finis toujours perdant, les justices et lois. Ou même les pieds devant, entre 4 planches de bois. Et 20 minutes plus tard, le voilà à l'hôpital. Espérance tire, ne se dévoilera pas fatal. Comme s'il était en zonzon, il a perdu toute illusion. Il ne sait pas ce qui lui a pris, il avait perdu la raison. Il aurait dû rester chez lui, à regarder la télé. Ou même bouger de sa cité, à chercher de quoi taffer. C'est vrai qu'à une seconde près, ça ne serait jamais arrivé. Un autre type que lui, ça ne l'aurait pas arrêté. Il se serait enfui sans même le regarder. Lui, au lieu de ça, est resté à essayer de l'aider. Là, les flics ont débarqué, mais il ne s'est pas défilé. Aucune chance de se faufiler, il s'est laissé embarquer. Je te raconte ça aujourd'hui, telle est la réalité. Si tu es au mauvais moment, au mauvais endroit, il suffit d'un instant, ne te demande pas pourquoi. Tu finis toujours perdant, les justices et lois. Ou même les pieds devant, entre 4 planches de bois. Reste obstrué, entendre à l'extérieur. Et ça seul Dieu le sait, qu'il jugera pas d'ailleurs. Mais lui fait remarquer les pleurs dont il est l'auteur. C'est comme regarder du haut d'une tour désonnée. Ses villes incendiées, ses familles à pleurer. Qui te fait te demander les choses que t'as mal fait. Et pour sortir de son fer, ça y est c'est décidé. Il s'est mis à rapper, ça y est il peut s'exprimer. T'écrire ou te raconter, même jusqu'à te confesser. Cette anecdote de sa vie qu'on n'a pas oublié. Si tu es au mauvais moment, au mauvais endroit, il suffit d'un instant, ne te demande pas pourquoi. Tu finis toujours perdant, les justices et lois. Ou même les pieds devant, entre 4 planches de bois. Si tu es au mauvais moment, au mauvais endroit, il suffit d'un instant, ne te demande pas pourquoi. Tu finis toujours perdant, les justices et lois. Même les pieds devant, entre 4 planches de bois.